Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. On vient de parler avec Marie-Claude Dionne des premières colonisations des États-Unis par les Anglais. Alors, on va rester sur le même thème de la colonisation, mais cette fois, de la colonisation par les plantes. Alors, elles ont inventé toutes sortes de stratégies pour conquérir de nouvelles terres. On en parle avec Valérie. Ben oui, en fait, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles et les plantes vont, en général, vont se mettre en mode hivernal. Mais en même temps, je remarquais hier, en circulant dans les rues, des terrains jonchés de graines qui ressemblaient un peu à des graines de pissenlit. Mais évidemment, n'étant pas au printemps, ce ne sont pas des graines de pissenlit, c'est pas la saison. J'ai tourné la tête pour voir d'où venaient ces graines, qui sont ces fleurs qui émettent leurs graines en ce moment. Et à vrai dire, comme je ne suis pas vraiment calée en botanique, je ne les ai pas identifiées. Mais j'ai vu quand même à côté, non loin de là, des asclépiades qui, elles aussi, étaient en train de laisser leurs graines à tout vent. Et plus tôt dans la journée, j'avais vu une bourrasque de vent emporter un paquet de graines de quenouilles, donc les espèces de plantes qui font les quenouilles dans les fossés. Comme quoi, même si on est à la porte de l'hiver, certaines plantes semblent se dépêcher d'éparpiller leurs graines avant d'entrer en hiver. Mais d'ailleurs, quel est l'intérêt des plantes pour éparpiller leurs graines, justement? Ben en fait, c'est tout simple, c'est qu'une plante peut pas bouger. Elle est fixée au sol et doit subir les intempéries sans broncher, sans pouvoir se mettre un gilet sur le dos et sans aller se mettre à l'abri. Mm-hmm. Alors tu me diras, après tout, ben, elles sont adaptées aux conditions dans lesquelles elles poussent. Oui, mais parfois, les conditions environnementales changent, comme ça se produit éventuellement au fil des millénaires, ou tout simplement par une année exceptionnelle, El Niño ou autre, où il y a une sécheresse incroyable, ou un froid extrême qui survit pendant l'hiver, il se peut que la plante ne survive pas à ces conditions. Exceptionnelles. Donc, si la plante a déployé toute sa progéniture sur place, si elle a laissé tomber ses graines à son pied, ben, la plante et ses descendants risquent de mourir. Donc, pour que l'espèce survive, il est préférable qu'elle envoie ses rejetons ailleurs, en espérant que certains rejetons atterriront dans des conditions, dans un milieu où il y aura des meilleures conditions propices à leur développement. Et une bonne façon d'envoyer les rejetons ailleurs, ben, c'est de laisser ses graines partir au vent. Mmh. Donc, finalement, c'est une question de stratégie de la nature. Mm-hmm. Mais il y a des graines qui peuvent pas voler, donc la plante doit trouver une autre stratégie pour envoyer ses graines au loin. Non? Oui, c'est ça. Puis l'évolution a eu des milliers d'années pour mettre au point toutes sortes de stratégies. Donc, par exemple, il y a des graines qui font du taxi. Donc ça, ce sont des graines qui ont développé des crochets, des pointes, donc toutes sortes de petites structures qui s'accrochent à nos chaussettes ou à nos pantalons. Je suis sûre que vous en avez tous déjà eu en allant vous promener en forêt ou en tout cas dans les champs. Et ça s'accroche évidemment aussi à la fourrure des animaux, sur les pattes des animaux. Alors c'est le cas par exemple de la bardane, c'est une sorte de plante qui ressemble au chardon. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est de la bardane que nous vient le velcro. Ça c'est un monsieur qui s'appelait Georges de Mestral, qui a regardé comment étaient constituées les graines de bardane qui s'accrochaient, et il a vu qu'elles étaient munies de petits crochets. Donc il a conçu le velcro avec, comme on sait, un côté qui est muni de crochets et un autre côté qui ressemble au velours. Et le velcro, bien ça vient de velours et crochet. Ben ouais. Et pour en revenir aux graines accrochées, bien sûr, elles s'accrochent dans les poils des pattes des mammifères qui les emmènent comme ça au loin. Mais il y a des animaux qui se nourrissent de graines. Est-ce que ça peut aussi permettre aux graines de se propager, ça? Ben oui, c'est une bonne remarque. Alors effectivement, on sait qu'il y a des oiseaux notamment qui mangent les graines. Donc oui, ça peut permettre de se protéger. Aux graines de se propager, mais indirectement, parce qu'évidemment, si les animaux mangent les graines, c'est pas sûr que les graines s'en sortent vivantes. Mais il y a des animaux qui sont pas très attentifs. Alors, par exemple, quand les oiseaux viennent dans les chardons ou dans les pissenlits pour manger les graines, en picorant, finalement, en prenant une graine avec leur bec, ben, ils délogent d'autres graines qui, elles, partent au vent. Ou qui tombent par terre. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'elle part. Ben, ce que la plante veut, c'est qu'elle part. Donc, ça, s'il y a un petit coup de vent ou quand l'oiseau est en train de picorer dedans, ben, les graines partent au vent. Et puis, il y a aussi le cas de l'écureuil. Donc, on le voit bien quand il épluche les cocottes pour en extirper les graines qui sont logées dans les écailles. Et on le voit aussi des fois se faire des réserves. Là, on le voit avec ses pattes, il enfouit les graines dans des cachettes. Mais le problème, c'est qu'il a une mauvaise mémoire. Alors, il oublie certaines de ses cachettes. Donc, les graines vont rester là et au printemps, éventuellement, elles vont germer. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est curieux, c'est des graines qui sont transportées par les fourmis. Ça, ce sont des graines qui développent une espèce d'excroissance charnue, et les fourmis adorent cette excroissance charnue. Donc elles transportent la graine dans leur fourmilière, elles mangent l'excroissance, mais elles ne mangent pas la graine. Donc ça, c'est le cas de la graine d'érythrone. Ça, c'est une sorte, c'est une fleur jaune qu'on voit au printemps. C'est une des toutes premières fleurs jaunes qu'on voit qui tapissent le sous-bois au printemps. Donc ces graines-là se retrouvent transportées éventuellement par les fourmis et pourront germer ailleurs. Tu parlais de graines de pissenlit ou d'asclépiade qui s'envolent au vent. Mais est-ce que c'est la même chose pour les samars des érables qui tournent comme des hélicoptères? Ben oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Donc on les voit bien, ces petites graines qui tournent comme des hélicoptères. C'est toujours curieux. Oui, ça amuse beaucoup les enfants. Oui, ben les adultes aussi. Oui. Et puis, c'est aussi une stratégie de dispersion. Sauf que là, la samare, ce n'est pas une graine, mais un fruit. Donc, c'est une fruit. Bon, on la voit, là, la graine, finalement, c'est la petite boule qui est au bout. Puis, il y a une aile, côté plus plat, qui est une aile. Mais le fruit, donc, c'est aussi une stratégie de dispersion. Là, c'est le fruit qui se met à voler. Mais le fruit, c'est aussi une stratégie de dispersion qui reprend la stratégie de la graine munie de son excroissance charnue mangée par les fourmis. Parce que le fruit, bien sûr, il va attirer les animaux qui vont manger le fruit. Mais la graine résiste au système digestif de l'animal, de sorte qu'elle est évacuée avec l'excrément de l'animal, là où l'animal est allé faire ses besoins. Donc il y a des oiseaux qui mangent les fruits de la mélangée, les cerises, les fraises, les bleuets. Puis il y a aussi, par exemple, l'ours qui adore les petits fruits. Et comme la nature fait bien les choses, eh bien parfois l'engrais sert d'excrément pour faire germer la graine. Oui, tout à fait. Hein. De façon générale, est-ce qu'on peut dire que ces stratégies sont le fruit de l'évolution, que la graine et le fruit ont évolué pour faciliter leur dispersion et favoriser le maintien de l'espèce? C'est un petit peu ça, finalement, parce que de la sorte, là, ça va assurer un meilleur succès reproducteur à l'espèce. Uh-huh. Et ce qui est intéressant dans le cas des fruits mangés et transportés par les animaux, c'est qu'il y a une coévolution entre la plante et l'animal, parce qu'il y a une sélection des plantes qui vont produire des fruits qui attirent les oiseaux, parce que les oiseaux vont aider à la sélection des graines et donc aider le succès reproducteur de l'espèce. L'espèce ne va pas mourir, elle va trouver d'autres endroits pour s'implanter. Uh-huh. Et puis, il y a une sélection des oiseaux qui aiment ces fruits parce que ça leur donne une source de nourriture. Donc, avec une meilleure source de nourriture, éventuellement, ils vont pouvoir mieux s'occuper de leurs petits, etc. Donc, aussi un meilleur succès reproducteur de l'oiseau. Mais ça ne marche pas tout le temps. Il y a des plantes comme l'araliche chasse-pareille qui font des fruits. Les ours, les renards, les oiseaux les mangent allègrement, mais les graines ne germent pas. Ah. Donc les graines ont beau se promener, etc., mais finalement ça donne rien parce qu'elles ne germeront pas. Alors la plante doit inventer autre chose, ou plutôt retourner à un mode de dispersion plus primitif. En fait, il s'agit de la propagation, un mode de propagation végétative. Elle se propage, en fait, cette plante-là, la l'araliche chasse-pareille, par des rhizomes. Donc les rhizomes, c'est des tiges souterraines. Alors, il y a plusieurs espèces, en fait, il n'y a pas juste la l'araliche chasse-pareille. Il y a plusieurs espèces qu'on appelle des plantes à croissance lente parce qu'elles mettent parfois 10 ans avant de fleurir. Mm-hmm. Ça fait juste une feuille, deux feuilles là, pendant 10 ans, puis ça y est, enfin, ça se met à fleurir. Et donc, ces plantes-là utilisent ce mode de propagation par les rhizomes. Donc, les rhizomes peuvent pousser de plusieurs dizaines de centimètres par an sous terre. Ils émettent éventuellement une nouvelle tige qui va sortir à l'air dehors. Ça va faire comme une nouvelle pousse. Parfois, le rhizome se désagrège de sorte que les pousses ne sont plus reliées entre elles. Et ça donne un tapis de pousses. Quand on est dans le sous-bois, on peut voir des fois un tapis de feuilles qui ont l'air toutes pareilles. On pense que c'est des pieds différents. Mais en fait, c'est toutes des clones. Oui. Elles sont toutes issues du même pied en plan mère qui s'est propagé par les rhizomes. Et donc, ce faisant, comme je l'ai dit au début, si les conditions environnementales changent drastiquement à cet endroit-là et que le clone n'y est pas adapté, comme toutes ces plantes ont le même patrimoine génétique, c'est tout le tapis qui disparaît. Effectivement. Alors, il faut préserver ces tapis de pousses, même s'ils n'ont pas l'air de faire des fleurs, et leur laisser la chance de fleurir un jour, même si ça prend des années, pour qu'éventuellement ils puissent aussi s'éparpiller ailleurs. Alors, merci Valérie pour cette promenade en nature. Alors, on passe en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on va faire quelques actualités scientifiques. De nature astronomique. Effectivement.